d'une exposition formidable actuellement au Louvre, Porphyre, la pierre pourpre des Ptolémées au Bonaparte. Philippe Malguir, bonjour et bienvenue. C'est gentil de venir plus tôt que prévu. Votre terrain à vous, ce sont les réserves du Louvre. C'est pas moins vaste, du reste. Vous êtes conservateur du patrimoine et commissaire de l'exposition Porphyre. C'est une exposition autour d'une matière. Alors la bonne surprise, c'est qu'on peut toucher. Oui, j'ai souhaité que dans la section d'introduction d'exposition, on montre à la fois le matériau dans sa réalité géographique, géologique, les outils, et qu'on puisse effectivement toucher des socles, des plaques pour se rendre compte de la dureté, de la froideur, de la rugosité, etc. Alors il y a des gens, on voit, il y a des visiteurs qui n'osent pas trop parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Et il y en a d'autres qui au contraire continuent de toucher pendant toute l'exposition. Oui, c'est un problème qui existait déjà sur ces objets, d'ailleurs quand ils sont exposés en temps normal, puisqu'ils semblent par leur dureté, leur apparente solidité, appeler le toucher. Alors le porphyre aujourd'hui ne dit rien à personne, et pourtant pendant 15 siècles, c'est le symbole du pouvoir, la pierre réservée aux empereurs, aux gens les plus puissants de ce monde. À quoi ça ressemble le porphyre? On pourrait dire que ça se rapproche du marbre? Non, ça ne se rapproche pas du marbre. Si on veut dire à quoi ça ressemble, ça se rapproche surtout du salami, c'est-à-dire que c'est une espèce de couleur de fond pourpre, d'où vient le nom de la pierre, je pense qu'on y reviendra. Donc ce fond grenat, rouge foncé, dans lequel se trouvent des cristaux de feldspath qui sont blancs, très blancs, même dans les plus belles qualités. Et donc ça a un aspect moucheté comme ça qui est très particulier. C'est très luisant, c'est étonnant quand c'est poli, on est vraiment, toutes les sculptures que vous présentez, elles brillent. Ça prend très bien le poli, oui. Mais à l'état brut, vous l'avez vu, on le voit justement dans les choses qu'on peut toucher, c'est presque brun. Enfin, c'est une pierre très peu séduisante quand elle est dans la nature. Vous parliez de salami, il y a une anecdote à la Renaissance d'artistes comme ça qui se réunissent, non? Absolument, puisque pour une espèce de banquet d'artistes, Andrea del Sarto, donc à Florence au milieu du XVIe siècle, avait fabriqué une espèce de temple pour faire comme un surtout, si vous voulez, pour mettre au milieu de la table, dont les chapiteaux étaient en parmesan et les colonnes en salami pour imiter justement le porphyre. Rien n'est dit par hasard dans cette émission. Alors le porphyre antique, on l'a appelé pierre égyptienne, tout simplement parce qu'il était extrait dans des carrières en Égypte. Cette carrière de porphyre, elle se trouve où, Philippe Malguir? Alors elle se trouve dans le désert oriental égyptien, à la hauteur de la moyenne Égypte, mais très près de la mer Rouge, en fait, à 50 km d'Hurghada à peu près actuellement. La seule chose, c'est que ça donne une impression de proximité de débouché qui est illusoire, puisque dans l'Antiquité, la mer Rouge, surtout à l'époque pharaonique, mais même au-delà, n'est pas tellement utilisée. Il n'y a pas le canal de Suez. Bien sûr. C'est ça. Donc, en fait, la voie d'accès normale, c'est le Nil. Et on est à 150 km du Nil à travers un massif montagneux qui culmine à 1700 mètres d'altitude. Et c'est ça. Et donc, on a cheminé les objets. Alors, ça s'appelle comment cet endroit? Alors, le site actuel s'appelle Djebel Dohan, ce qui veut dire mont fumant. Et curieusement, c'est pratiquement la traduction en arabe d'un des noms latins du site, qui est le mont Sinéus, donc le mont de feu, ou Mons Porphyrites, qui veut dire en grec le monde pourpre, le monde porphyre. On retrouve la même étymologie. Oui, et l'étymologie du mot pourpre vient d'une racine indo-européenne qui est liée au feu, donc c'est assez curieux de voir cette permanence. Et alors vous disiez, les objets étaient, donc, enfin, ou en tout cas les blocs de porphyre, au lieu d'aller, 50 km vers la mer Rouge, on va jusque vers le Nil pour ensuite remonter vers Alexandrie, puisque la destination finale, c'est Rome. On a retrouvé des étapes de ces routes. Oui, tout à fait. À la sortie du site, donc, qui se trouve à 150 km de Coptos à peu près, il y a une route dont on a encore les traces et qui est scandée de stations qui permettent, avec des écuries, des étables, des citernes, qui permettaient donc au convoi de s'arrêter, une espèce de forteresse qui permettait de mettre le convoi à l'abri, des écuries et des étables qui sont à l'extérieur de l'enclos, qui permettent de faire surposer les animaux de trait qui sont les moyens de locomotion de ces chariots. Ouais. Et donc ça permet aussi de mesurer qu'effectivement c'est un voyage de plusieurs jours à travers le désert pour aller jusqu'au Nil. Alors de quand date l'exploitation de ces carrières de porphyre? On a commencé quand? Alors ça, c'est une question à laquelle il y a plusieurs réponses possibles. D'abord, dans les premiers temps de l'histoire égyptienne, donc vraiment au 4e millénaire, au 3e millénaire avant Jésus-Christ, on a quelques objets en porphyre, très petits, mais de la taille d'un bol, si vous voulez, de petits vases en pierre. Et il se trouve qu'en dehors de cette montagne de porphyre, dont on va reparler. C'est une formation géologique qui a pu se produire dans d'autres endroits, en particulier au Wadi Hammamat, où on a extrait surtout une brèche verte très caractéristique. Mmh. Donc ça c'est ensuite pendant donc le... on a quelques objets anciens, très anciens, oui. Parmi les plus anciens. C'est quoi, 3 siècles avant Jésus-Christ? 3 millénaires. Trois millénaires avant Jésus-Christ. Oui. De l'époque pharaonique. Oui. Autre... oui. D'accord. Ensuite à l'époque pharaonique, on a vraiment quelques témoignages, mais presque un film de perles ou enfin vraiment de très très petits objets. Et par contre pour l'époque ptolémaïque, comme je le montre dans l'exposition, on a des objets beaucoup plus importants qui semblent montrer que d'une manière ou d'une autre, le matériau était un petit peu disponible, mais extrêmement peu utilisé. On a retrouvé sur place, enfin, les fouilles qui ont été faites par l'université de Southampton, et etc. Il y a des fouilles récentes. Il y a une dizaine d'années, oui. Le site a été très bien exploré. Le site avait été redécouvert, en fait, depuis le 19e siècle par une expédition anglaise, déjà, par Burton et Wilkinson, qui l'ont publié. Mm-hmm. Et périodiquement, tous les 30 ou 40 ans, depuis 1822, il y a des missions françaises, allemandes, qui étaient allées sur le site, avaient fait un certain nombre de constatations. Et donc, la dernière en date, il y a pas tout à fait une dizaine d'années, faite par ces universitaires anglais. C'est ça. Alors, donc, ce sont les Romains qui commencent à exploiter la carrière. Voilà, donc à l'occasion de ces fouilles, on a trouvé une stèle qui donne le nom de l'inventeur du site. En tout cas, lui pensait arriver en terrain vierge et que les Ptolémées n'avaient pas encore exploité la pierre. Un certain Caius Comminius Legas, dont on ne connaît rien, qui dédie une stèle au dieu Mine, qui est un dieu égyptien d'ailleurs, alors que lui est un Romain, qui est un dieu égyptien qui préside au désert. En particulier tout ce monde des carrières, tout ce monde un petit peu en dehors de la vallée du Nil plus civilisée, plus hospitalière. Oui. Et qui donne donc la date sous le règne de Tibère, dire moi comme ministre Gas, j'ai trouvé cette carrière de la pierre qui est rouge et de la pierre rouge qui est noire. C'est le porphyre noir ou le porphyre voilà. rouge. Et oui. Donc c'est le premier emploi du mot pratiquement, puisque il qualifie la pierre par sa couleur. Donc porphyre, ça veut simplement dire pourpre. Et il observe sur le site qu'il y a des porphyres de différentes couleurs. Il y en a qui est pratiquement vert et un autre qui est vraiment d'un rouge tellement dense qu'il est presque noir. Et les fouilles archéologiques nous ont aussi appris des choses à propos des gens qui travaillaient dans ces carrières. Bien sûr. D'une part, on a pu relever plus précisément qu'on l'avait fait par le passé les différentes implantations d'habitats. En particulier, il y avait un campement romain qui est dans le lit de l'Oued desséché, donc qui marque cette vallée au pied du Djebel Doha, donc de cette montagne qui culmine à 1700 mètres d'altitude. Donc il y a ce camp militaire romain. Plusieurs sanctuaires de différentes tailles et différentes époques d'ailleurs, et ensuite des villages qui sont plus en altitude et qui sont près des fronts de carrière, donc qui permettaient aux gens d'habiter vraiment à l'endroit où le est extrait. Et on a trouvé des ostracas aussi, alors pas, cette fois pas sur le mont Porphyrites, mais sur... On en a trouvé au mont Porphyrites, mais on a une source peut-être encore plus complète au mont Claudianus, qui est une carrière de granit gris qui se trouve dans le même massif montagneux, qui a été fouillée, elle, par des universitaires belges, à peu près dans les mêmes années d'ailleurs. Et justement, on se rend compte que de l'abondance déjà du personnel présent sur place, qui sont vraiment des centaines, plus d'un millier de personnes en tout cas, et de l'organisation très très précise du travail. Ça a permis aussi de comprendre que le personnel sur place était un personnel très spécialisé, ou en tout cas spécialisé dans une certaine mesure, et non pas des condamnés de droit commun, oui, aux travaux forçats, forcés, oui. Comme on le pensait jusqu'à présent. D'après les documents, le cas, en général, oui. On voit qu'il y a des esclaves, mais qui semblent là en tant que couvriers, si vous voulez, ou artisans, oui. Et non pas comme condamnés... aux mines, puisque c'est un type de condamnation, oui, qui existait dans l'Antiquité. Alors il y a un autre témoignage du travail dans les carrières sous l'Antiquité, c'est la passion des quatre saints couronnés. Alors ce sont des gens, leur compétence pour sculpter le porphyre leur a été fatale. Vous pouvez nous raconter l'histoire de ces quatre saints? Oui, c'est une source très très intéressante. Pas quatre d'ailleurs. Oui. Voilà, c'est une source très très intéressante sur le travail à la fin de l'Antiquité dans ce site. Dioclétien avait découvert que quatre sculpteurs avaient une habileté particulière pour travailler le porphyre. En fait, cette habileté leur venait d'une bénédiction au nom du Christ qui prononçait sur leurs outils, qui leur permettait de travailler ce matériau très difficile par ailleurs. Un cinquième sculpteur, se rendant compte de ça, se convertit. Et donc, en fait, c'est un groupe de cinq sculpteurs qui sont envoyés par Dioclétien au Mons Porphyrites pour fabriquer des baignoires, des chapiteaux, des sculptures ornementales, etc. Tout va bien jusqu'au jour où Dioclétien leur demande de sculpter une statue d'Esculape destinée au culte divin. Et donc, les cinq chrétiens s'y refusent. Et donc sont enfermés dans des cercueils de plomb, enfin il y a différentes traditions là-dessus, et jetés à l'eau et martyrisés. Alors ce qui est amusant, c'est que, enfin amusant si on peut dire ça dans ce contexte, c'est qu'ils sont confondus avec quatre autres martyrs qui sont des soldats qui avaient un rang particulier dans l'armée romaine qui s'appelle Corniculari, et ça s'est altéré en Coronati, donc couronné, et donc c'est 5 plus 4, c'est-à-dire 9 martyrs qui ont des histoires tout à fait différentes, sont vénérés sous le seul nom des 4 saints couronnés. On en voit une représentation, on la voit où cette représentation des 4 saints? Alors, à Rome, il y a les représentations, mais celle qui est montrée dans l'exposition, c'est un relief de Nanni di Banco à San Michele à Florence, et qui est intéressant puisqu'il montre les saints au travail, et on voit très bien le genre d'outils qu'on utilisait en tout cas à la Renaissance pour travailler le granit, des outils qui sont présentés d'ailleurs dans la vitrine juste à côté. Alors en grec, porphyros ça veut dire pourpre. La pourpre, comme le porphyre, symbolise pouvoir, richesse, haute dignité sociale. Vous nous rappelez en deux mots ce que c'est que la pourpre? Oui, c'est une teinture qui est tirée d'un coquillage qui s'appelle le murex, et donc qui donne cette couleur particulière, hein, donc grenat, qui est la teinture la plus coûteuse de l'Antiquité, donc réservée justement au personnage de rang le plus exalté. Alors justement, on pense qu'également ces carrières qui se trouvent en Égypte, dont on parlait à l'instant, les carrières de Porphyre, étaient un monopole de l'empereur, c'est-à-dire que seuls les empereurs pouvaient en extraire de la pierre. C'est très ambigu ce qu'on comprend dans l'Antiquité de cette histoire-là, puisque l'Égypte appartient d'abord au domaine particulier de l'empereur. Donc de toute façon, les carrières égyptiennes lui appartiennent en propre. Effectivement, on voit que ce sont dans les fondations impériales, dans les palais impériaux, et pour l'iconographie impériale, on y reviendra, qu'on trouve cet emploi le plus abondant du porphyre. Mais malgré tout, Dioclétien le met dans son édit des prix. Et oui, donc, on a retrouvé la liste. Ouais. Donne un prix pour le porphyre, qui est le plus coûteux des matériaux d'ailleurs, mais ce qui veut dire qu'apparemment vous pouvez en acheter, autrement ça n'a pas de sens de lui donner un prix. A contrario, il y a cette anecdote donc d'une visite d'Antonin le Pieux chez un ami à lui qui s'appelait Homulus. Alors Antonin le Pieux, c'est le successeur d'Adrien, c'est ça, de l'empereur Adrien. C'est un empereur du IIe siècle. Et il voit dans l'entrée de cette maison d'un particulier deux colonnes en porphyre, et évidemment il est très surpris puisque on n'est pas censé pouvoir s'en procurer apparemment. Et son hôte lui répond que quand on est invité chez quelqu'un, on doit rester sourd et muet et pas poser de questions qui soient embarrassantes pour la personne qui vous invite. C'est ça. Alors les empereurs vont entre autres se faire portraiturer en pourpre. Les portraits en pourpre donnent une impression un petit peu surhumaine, presque divine. C'est vrai que le porphyre, ça ressemble un peu à un ciel étoilé, je trouve. Donc ça donne une impression un peu divine, et ça va symboliser en tout cas l'autorité impériale. Alors qui lance la mode des portraits impériaux en porphyre dans l'Antiquité? Alors là encore, c'est assez difficile de dire à partir de quel moment se fait ce glissement, puisqu'au départ, les Romains l'utilisent comme une pierre de couleur rouge, comme si elle était de couleur verte ou bleue. C'est décoratif. C'est pour évoquer la couleur dans l'architecture. Et on voit ce glissement se faire. On a ce premier document, donc peut-être de l'époque de Trajan ou d'Adrien, avec les colonnes, ces colonnes qui portent des bustes très étonnants qui sont au Louvre. Mais en tout cas, ce qui est très clairement documenté, c'est à partir de l'époque de Dioclétien et des Tétrarques, c'est-à-dire à la fin du IIIe siècle après Jésus-Christ, quand le gouvernement de l'Empire est séparé entre plusieurs personnes, donc deux César et deux Augustes. Oui. Et le porphyre permet de donner une espèce de densité, j'allais dire, à ce pouvoir qui est fragilisé, divisé entre quatre personnes. Alors curieusement, il y a vous montrez de nombreux bustes impériaux en porphyre dans l'exposition, et ils datent du XVIIe siècle. Pourquoi? Il y a une vogue comme ça qui se... Ce qui est étonnant, c'est que justement cette idée du porphyre comme étant un matériau spécifiquement impérial, c'est l'idée qui va perdurer jusqu'à la fin du XVIIIe siècle et qui va justifier en grande partie le succès qu'essaie de montrer l'exposition. Et effectivement, au XVIIe siècle, on a produit dans ce matériau avec prédilection ou des vases ou bien ces bustes qui représentent des empereurs de l'Antiquité, en particulier la série des 12 empereurs canoniques d'après les biographies des 12 empereurs de Suétone. C'est ça, ce livre-là est très à la mode, le livre de Suétone, donc auteur romain, qui raconte la vie des 12 Césars, est au XVIIe siècle très à la mode, donc on s'inspire de... Vous pouvez nous parler de quelques-uns de ces bustes, justement, de ce qu'ils représentent, enfin... Alors, dans cette série de... chacun des empereurs... Je pense que ce qu'on aimait dans le livre de Suétone, c'était une espèce de galerie de portraits qui était à la fois physionomique et psychologique, et qu'on pouvait établir un lien entre l'apparence physique de l'empereur, son comportement, et éventuellement les portraits qu'on avait conservés d'eux dans les collections d'antiques. Donc c'était absolument fascinant pour les hommes du XVIIe qui s'intéressaient notamment à ces problèmes de psychologique, de représentation des états intérieurs, etc. Alors, curieusement, le plus étonnant dans ces séries-là, c'est évidemment le portrait de soi-disant Vitellius, qui en fait... C'est un gros type anonyme de l'Antiquité. Qui a été empereur quelques mois à peine. Non, je parle du portrait. Oui, Vitellius a été empereur quelques mois, mais ses portraits supposés sont parmi les plus fréquents au XVIe, au XVIIe siècle, parce qu'il y avait à Venise le portrait d'un gros type anonyme, et comme Vitellius était très gourmand, on a décidé à la Renaissance que ça représentait Vitellius. Oui. Et depuis, c'est ce portrait anonyme de Venise qui a été reproduit jusqu'à la nausée pour représenter cet empereur gourmand dont on ne connaît pas les traits d'ailleurs avec exactitude. C'est ça. Et puis d'autres sont représentés avec des rides, enfin on essaie de montrer la sagesse. Oui, dans cette série de 12, alors souvent, ça s'inspire quand même de portraits antiques existants, mais il y a une espèce d'iconographie qui se fixe, qui permet de différencier tout de suite Vespasien de Titus ou Caracalla de Claude ou Auguste. Alors dans l'Antiquité, les empereurs, ils font produire, vous le disiez, des éléments d'architecture, on fait produire des colonnes, Adrien destine 90 colonnes de porphyre au gymnase de Smyrne, les thermes de Caracalla aussi accueillent, c'est somptueux. Le plus grand monument réalisé en porphyre, c'est la colonne de Constantin. Vous pouvez nous expliquer dans quel contexte il est réalisé et puis qu'est-ce qu'il symbolise ? Cette période de Constantin marque un petit peu le sommet de cet emploi du porphyre dans la propagande impériale, dans l'Antiquité en tout cas. Et ce monument, donc érigé par Constantin dans sa nouvelle capitale à Constantinople, est une colonne de 50 mètres de haut qui était couronnée par une image de l'empereur lui-même sous une forme de divinité solaire, donc comme une espèce d'apparition complètement cosmique pratiquement de la personne impériale. Et ce qui est intéressant, c'est que si les autres colonnes impériales à Rome, comme la colonne Trajane ou la colonne Aurélienne, étaient un monument érigé à la gloire de l'empereur sur lequel figuraient les campagnes militaires en relief faites par cet empereur, donc était une justification de l'érection de ce monument. Mmh. Ici, c'est l'emploi du matériau qui en fait office, puisque l'empereur ne vaut pas par ses campagnes militaires, mais simplement par cette espèce d'exaltation colorée que suggère l'emploi du porphyre. C'est immense, 50 mètres. C'est le plus grand monument antique réalisé dans ce matériau. On fait aussi des urnes en porphyre pour les empereurs. Alors, l'empereur Marc Aurèle s'en fait faire une. L'histoire est assez émouvante. Oui, puisqu'il l'a fait transporter avec lui dans sa campagne en Grande-Bretagne pour pouvoir, s'il meurt sur le champ de bataille, être incinéré et qu'on ramène ses cendres à Rome dans cette urne de porphyre. Et il n'avait pas tort, parce qu'il est mort pas longtemps. Absolument, alors on ne connaît pas l'urne de Marc Aurèle, ni celle de Néron ou celle de différents empereurs dont on sait par des sources littéraires qu'ils ont été enterrés dans des urnes de porphyre. Dans la même veine de prévoyance, donc de sa propre mort, il y a, vous montrez dans l'exposition, l'urne du comte de Caylus. Alors le comte de Caylus est un antiquaire au XVIIIe siècle, c'est un des pionniers de l'archéologie. Lui, il achète une urne antique. Il achète un objet antique dont la fonction n'est pas absolument claire, mais quand il l'achète, il avait déjà un couvercle, et ce genre d'objet passait alors pour avoir servi de sépulture à des personnages de l'Antiquité. Et d'ailleurs, lui-même écrit, ce monument a dû renfermer les cendres d'un personnage sans doute considérable. Donc il achète cet objet, il le met dans son jardin, et il met dans son testament que si on veut, à peu de frais, lui faire un tombeau, comme si c'était vraiment par modestie et par économie qu'il choisissait ça, on pourra réutiliser cette chose qu'il a dans son dans son jardin. Il compose même son épitaphe qui était simplement Sigi Kélus, vous voyez, dans une fausse simplicité antique. Épitaphe qui était reprise par Diderot, qui l'a un peu modifié. Oui, qui a raillé cette espèce d'orgueil dissimulé sous l'humilité, et il lui avait composé l'épitaphe suivante qui était Sigi, un antiquaire acariâtre et brusque, ah qu'il est bien logé dans cette cruche étrusque. Alors tout le porphyre rouge égyptien exposé, c'est-à-dire des objets exposés là au Louvre actuellement dans cette exposition, c'est-à-dire des objets qui ont été fabriqués jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, tout ce porphyre a été extrait par les Romains dans l'Antiquité. Autrement dit, c'est un formidable recyclage, des récupérations sous toutes leurs formes à travers les siècles. Mais alors avant de parler de cette question étonnante du recyclage, je voudrais qu'on continue juste sur un ou deux points sur la symbolique impériale du porphyre, parce qu'évidemment, il y a un empereur dont on pouvait attendre qu'il soit que son tombeau soit en porphyre, c'est notre grand empereur français, Napoléon. Ça, c'était vraiment presque une tragédie que cette histoire de l'enterrement de Napoléon, puisqu'on voulait se procurer effectivement un gros morceau de porphyre, soit en Suède, mais il n'y avait pas de morceau assez grand, soit en Russie, avec tout ce que ça va être choquant d'utiliser une pierre ennemie, entre guillemets, pour enterrer l'empereur français. Finalement, on a choisi une quartzite qui a l'inconvénient de ne pas être du porphyre et de ne pas être monolithe, et en plus d'être russe. Et oui, ce qui pour Napoléon Ier était quand même un comble. Alors on aurait gainé l'intérieur de granit de Corse pour qu'il soit quand même enterré dans quelque chose qu'il pouvait apprécier. Et donc on a joué un peu sur l'ambiguïté de la couleur de cette quartzite pour donner l'impression d'une cuve monolithe en porphyre, alors qu'en fait c'est tout autre matériau. On parle du tombeau qui est aux Invalides. Alors les premiers sarcophages impériaux connus en porphyre, ce sont ceux de la famille de Constantin, dont on parlait à l'instant, celui qui a fondé la ville de Constantinople, sa fille et sa mère. Et alors chez les Byzantins, on meurt et on est dans le porphyre. Et certains empereurs byzantins sont dits porphyrogénètes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Porphyrogénète, né dans la pourpre, né dans le porphyre, ce qui était une manière à la fois de désigner le fait qu'ils étaient nés d'un empereur et d'une impératrice encore au pouvoir, d'une part, donc dans la pourpre, mais vraiment, strictement parlant, dans le porphyre, puisqu'il y avait une pièce du palais impérial entièrement revêtue de cette pierre, et c'était dans cette pièce que les impératrices accouchaient du futur empereur. Le porphyre, on parle de tout un tas d'objets, des colonnes, des vasques, des urnes. Il faut savoir que le porphyre, c'est une pierre très dure, difficile à travailler. Pour avoir une idée, est-ce que vous pouvez nous donner le temps de fabrication de certaines œuvres ? On sait par la passion des saints couronnés qu'il fallait 3 mois pour pour dégrossir une colonne avec un nombre d'ouvriers considérable. On sait que le cardinal Albani met plus d'un an pour faire tourner un vase complètement évidé en porphyre, ou que Carlo Fontana, avec 14 sculpteurs, travaille pendant 4 mois pour simplement réajuster des morceaux sur un couvercle antique destiné à devenir les fonts baptismaux de Saint-Pierre de Rome. Alors, il y a tout un tas d'histoires autour du secret du porphyre. On essaie de retrouver les techniques antiques pour scier, les techniques des Romains de l'époque, pour scier, tailler le porphyre. Et les artistes de la Renaissance s'arrachent les cheveux pour percer le secret des Romains. Il y a quelques anecdotes assez étonnantes. À la Renaissance, on devient tout à coup, il y a un fantasme sur ce secret du porphyre. En fait, on, avec cette espèce d'impatience caractéristique des hommes de l'époque, on pense qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris qui permettait de faire ces sculptures. Alors qu'en fait, ça se sculpte comme le granit, c'est avec beaucoup de patience et d'endurance qu'on en vient à bout. Mais effectivement, Michel-Ange ou Alberti s'y sont même cassés les dents. Et en fait, c'est un sculpteur qui s'appelle Francesco Ferrucci, et qui vient, lui, n'est pas un intellectuel à la différence des précédents, mais vient d'une famille de tailleurs de pierre où on sait le poids et l'importance du travail et du temps passé pour arriver à un résultat plutôt que de réfléchir à de nouvelles conceptions. Et ce serait grâce à une trempe, donc une manière de durcir les outils métalliques, mis au point par le grand-duc de l'époque, comme premier, que Ferrucci aurait réussi à sculpter de nouveau le porphyre. Parce que la grande question, c'est dans quel liquide tremper les outils d'acier pour pouvoir travailler la pierre ensuite. Là, on parle d'une trempe, d'une recette romaine, vous parlez dans le catalogue d'une trempe dans l'urine d'un bouc nourri de lierre. C'est très il y a beaucoup de recettes comme ça, assez pittoresques, qui sont entre le pragmatisme artisanal et quelquefois l'imaginaire alchimique. Et effectivement, on avait quelques recettes transmises dans l'Antiquité, et il y a un grand intérêt pour les trempes, pour ces questions des trempes de l'acier à Florence au milieu du XVIe siècle. Il y a même un verbe porphyrisé. Alors, ça fait référence, là encore, à la dureté de la pierre ? Oui, puisque c'est un verbe utilisé dans le vocabulaire de la pharmacie, qui veut dire réduire en poudre très fine en passant au porphyre, c'est-à-dire en passant dans un mortier ou sur une plaque de porphyre, qui permet donc de broyer des ingrédients de manière très... Dans les mortiers, ouais. Ouais, c'est ça. Et alors, vous parlez aussi, vous citez Giorgio Vasari, qui a écrit une histoire de l'art sous la Renaissance, et lui, son expression, il parle d'un cerveau de porphyre, autrement dit d'une tête dure. Il parle de qui ? Il parle du Pérugin, donc ce peintre qui a été le maître de Raphaël, et qui était athée, ce qui... On ne sait pas si c'était fréquent à l'époque, ça semble pas être le cas, mais que les gens le manifestent, ça c'est extrêmement rare. Et dire qu'il n'avait jamais pu faire rentrer dans son cervello di porfido l'idée de l'immortalité de l'âme, donc c'est pour dire la chose la plus récalcitrante et plus dure qui soit, c'est l'image dont se sert Vasari. Alors malgré ses secrets de fabrication, malgré la dureté de la pierre, il va y avoir pas mal de réalisations porphyre pendant la Renaissance, entre autres à Florence. Francesco Ferrucci, dont vous parliez à l'instant, envoie un profil du Christ en porphyre à Michel-Ange. Alors c'est pour le narguer qui fait ça ? Non, c'est simplement parce que Michel-Ange ne croyait pas, qui était à Rome, ne croyait pas qu'on avait vraiment pu travailler le porphyre à l'époque moderne. Et donc on lui envoie cet exemple de Ferrucci pour le persuader du contraire. Et Ferrucci va faire tout un tas de profils, Charles Quint. Voilà, il a fait surtout des profils qui ont d'ailleurs les deux connotations du porphyre. C'est à la fois dynastique, puisque c'est des séries des portraits des Médicis ou d'autres souverains, comme l'empereur Charles Quint, ou des profils du Christ, de la Vierge et de Savonarole, donc avec cette connotation sacrificielle et plus largement religieuse qu'acquiert le porphyre au cours du Moyen-Âge. Il y a une autre sculpture que vous montrez qui est assez amusante, qui s'appelle « Vénus et l'amour », qui a un côté antique comme ça, et qui est aussi réalisé par un sculpteur, un grand virtuose de la sculpture sur pierre dure. Alors, c'est antérieur aux travaux de Ferrucci, en fait. Ouais. C'est un sculpteur de gemmes et d'intaille, donc quelqu'un qui avait l'habitude de travailler le cristal de roche, par exemple. Et toutes ces pierres dures, qui sont plus dures encore que le porphyre, se travaillaient à l'aide de petites meules qu'on renforçait d'émeri. Donc qui est du corindon en poudre, le corindon étant une espèce de diamant brut, si vous voulez. Et donc par usure, on arrivait à graver le cristal de roche. Et c'est la même technique qu'il a appliquée au porphyre, et il a fait cette petite sculpture, cette statuette de 25 cm de haut, qui est à Florence aujourd'hui et à Paris pour quelques mois. Et vous regardez, il y a un petit pont entre la jambe de Vénus et l'amour qui donne un côté à l'antique, comme ça, qui n'était pas nécessaire pour le... Pour la sculpture. Alors, l'exploitation des carrières romaines s'arrête au 5e siècle. Dès lors, le gisement de porphyre se trouve à Rome. C'est-à-dire qu'on va réutiliser des colonnes romaines, des vasques, des pavements. Et donc, tout le porphyre rouge égyptien utilisé en Europe du 6e au 18e siècle a été tiré des carrières dont on parlait en début d'émission en Égypte, du Mons Porphyrites à l'époque romaine. Alors, comment ça s'organise ce commerce ? On récupère des colonnes ? En fait, le matériau, il n'est plus disponible que sous cette forme déjà extraite. Donc, soit à Rome, soit, comme je le pense de plus en plus, à Alexandrie, il devait rester des blocs qui n'avaient jamais été chargés pour partir pour Rome. Mais on avait perdu d'abord la localisation des carrières, même si on avait pu et voulu les rouvrir, à tel point que les Byzantins appellent cette pierre la pierre des Romains. Donc pour eux, qui sont pourtant géographiquement proches de l'Égypte, ça ne pouvait provenir que de monuments antiques démantelés. Il y a un exemple assez frappant dans l'exposition, c'est un torse de personnage de rang impérial qui a été fait probablement au 4e, 5e siècle et qui est coupé en deux. Oui, sûrement pour faire une table ou tirer un plateau de pierre de cette statue dont on a gardé que l'avant et l'arrière. Autre exemple de recyclage, les guéridons du cardinal Fesch. On en voit un dans l'exposition, mais vous expliquez qu'il y en a neuf. Alors, il y en a même une douzaine, en fait. Ouais. Et le catalogue de la vente du mobilier du cardinal Fesch, donc qui était l'oncle de Napoléon Ier, montre que ces 12 guéridons ont des plateaux de taille légèrement décroissante, ce qui, pour moi, prouve qu'il avait dû se faire donner ou acquérir un fût de colonne qu'il a fait couper en tranches et s'est fait faire une série de 12 guéridons, ce qui était absolument somptueux puisque ces meubles sont vraiment extraordinairement rares. Encore un exemple de récupération, c'est l'aigle de l'abbé Sugère. C'est le seul qui transforme cette silhouette de oblongue du vase dans le corps d'un aigle, puisque toutes les parties métalliques représentent les serres, les ailes déployées et la tête d'un rapace. Alors le porphyre a une symbolique chrétienne, donc vous le rappeliez, c'est soit la symbolique de pouvoir, soit une symbolique chrétienne, et vous montrez plusieurs objets qui vont dans ce sens-là. Le plus amusant, à mon goût, c'est cet autel portatif qui est tout petit, en réalité, il fait quelle dimension ? Oh, ça fait une trentaine de centimètres de large par 12 ou 15 de profondeur. Alors c'est quoi ? C'est une petite plaque en porphyre qui est posée sur un morceau de chêne et montée dans avec des bandes en argent tout autour. Et ça permettait aux missionnaires de célébrer la messe dans des endroits où il n'y avait pas d'église ni d'autel consacré. Puisque pour célébrer la messe, on le fait sur une pierre d'autel qui est consacrée à cet effet et qui contient en général des reliques. Donc on en a beaucoup pour le monde anglo-saxon, où l'évangélisation d'ailleurs s'est faite plus tard, ce qui explique cette multiplicité d'objets conservés, mais c'est le seul pour ce milieu-là qui soit conservé en porphyre, puisque le matériau n'était évidemment pas facilement disponible en Angleterre au Moyen-Âge. Et il y a un autre objet qui représente comme ça cette symbolique chrétienne, c'est ce vase des noces de Cana. Alors il y a une anecdote assez amusante, c'est qu'auparavant on l'emmenait en procession et puis on a cessé. Oui, c'est un vase qui avait été acheté par le roi René d'Anjou à Marseille au milieu du XVe siècle, qui l'avait fait monter en orfèvrerie, la monture en or évidemment disparue à la Révolution, et offert à la cathédrale d'Angers. Et on le sortait tous les dimanches où on fête les noces de Cana, on le remplissait de vin, il y avait une espèce de procession où le clergé se déguisait en marié et mariée, en blanc, avec des couronnes de romarin sur la tête. Et un jour, on a cassé la précieuse relique, donc puisque ce vase était supposé être un des vrais vases des noces de Cana, et du coup la cérémonie s'est interrompue définitivement. On a cessé de le transporter surtout. Alors il y a enfin un autre type d'objet qui est assez étonnant, dont vous parlez longuement dans le catalogue, ce sont les baignoires sarcophages. Alors c'était destiné à qui ? Ce sont d'abord des objets antiques qui servaient au décor des thermes, et des espèces de baignoires monumentales en porphyre n'étaient pas faites pour se baigner dedans, pas plus que les autres baignoires en brèche, en basalte ou d'autres matériaux égyptiens. C'est décoratif. C'est décoratif, mais à partir au Moyen-Âge, on s'en est servi comme de sarcophages en pierre. Et on a des exemples répétés d'inhumations, en particulier de papes, d'empereurs ou d'autres souverains, dans des baignoires antiques. Alors le porphyre, justement, entre autres pour cette raison de recyclage, déjà au départ c'était rare et cher, et puis ensuite, comme on l'exploite plus, c'est encore plus rare et encore plus cher. Donc c'est vraiment le symbole du luxe, et les auteurs romains déjà associaient le porphyre au faste de l'Égypte grecque. Dans le palais de Cléopâtre, on décrit la salle où elle donne le premier banquet en l'honneur de Jules César, et il y a évidemment des colonnes de porphyre, un sol d'albâtre, un plafond doré, etc. Et en fait, le porphyre va continuer de symboliser ce luxe à travers les siècles. Vous pouvez nous donner une idée parmi les grandes collections qui ont pu se faire au XVIIe, XVIIIe, de la présence du porphyre dans ces collections. Enfin, c'était un des objets les plus précieux dans ces grandes collections. Disons que c'est le nec plus ultra de ce qui est la sculpture de la sculpture décorative, que ce soit des vases ou des bustes, ces bustes auxquels je faisais allusion tout à l'heure. Et en fait, on a eu la chance de pouvoir faire cette exposition parce que Louis XIV avait un goût absolument immodéré pour ces objets qui matérialisaient le pouvoir de plus d'une manière, puisque non seulement par la couleur, mais même par la puissance financière qu'il fallait pour les obtenir. Pour vous dire, Mazarin avait une série complète des 12 empereurs qui passe à Louis XIV ensuite, et quelques vases en porphyre, enfin 6 ou 7. Et Louis XIV a eu deux séries complètes de ces 12 empereurs et une quarantaine de vases en porphyre. Ce qui, il n'y a pas une autre collection royale au monde, ni même aujourd'hui, qui avait un tel rassemblement d'objets dans ce matériau. En tout cas, les objets traversent les époques. Alors on va de camp à camp. On commence à l'époque ptolémaïque, donc au IIe siècle avant Jésus-Christ, en l'occurrence, et nous allons jusqu'au début du XIXe siècle. Un des objets les plus anciens, c'est la stèle de bâton. Vous pouvez expliquer ce que c'est? C'est une inscription grecque, c'est assez beau. C'est un décret honorifique qui est conservé à la Bibliothèque nationale, qui vient de l'île de Santorin, de Terra, donc c'est cette petite île volcanique des Cyclades. Et c'est une inscription qui est datée, donc qui permet de savoir qu'elle est, elle est de environ 151-152 avant Jésus-Christ, et qui rappelle la bonne administration d'un, ce qu'on appelle un gymnasiarque, c'est-à-dire l'administrateur du gymnase local qui s'appelait Batone. Et donc on lui a octroyé toutes sortes de récompenses civiques, diverses couronnes, etc. Et pour finir, cette stèle en porphyre. Alors, la question sur l'objet le plus récent, je ne sais pas si elle est intéressante, mais en tout cas, qu'est-ce qui fait que tout à coup, on s'intéresse moins au porphyre? Je pense qu'un élément déterminant, c'est la découverte et l'exploitation, surtout, de gisements de porphyre en Suède et en Russie. Un porphyre qui est d'une couleur tout à fait différente, qui est beaucoup plus brune, et avec des taches qui s'organisent en grandes traînées. C'est très beau d'ailleurs. Il y a deux colonnes qui sont présentées dans l'exposition. Celles qu'on peut toucher. Celles qu'on peut toucher d'ailleurs. Et à partir du moment où le matériau perd de son origine antique et mystérieuse, et qu'en plus on voit très bien qu'à la fin du 18e, le travail de ce genre de pierre ne semble plus poser aucun problème technique, donc tous ces aspects-là disparaissent, si vous voulez, et la vogue pour le matériau avec. Et donc l'objet le plus récent, ce serait lequel? C'est quoi? C'est fin du 18e, début 19e? C'est ce guéridon du cardinal Fesch. Ah oui, voilà, c'est ça, qui est vraiment un objet de, peut-être autour de 1803-1804. La collection du Louvre, c'est la plus importante collection de porphyre du monde. Je crois qu'on peut dire ça, puisque il n'y a pas que des objets du Louvre dans l'exposition. Il y a des objets des arts décoratifs, du musée d'Aigle, la cathédrale d'Angers et d'autres collections encore, de Versailles en particulier. Mais la collection du Louvre et de Versailles, qui au départ ne sont qu'une collection, qui est héritière des collections royales, est la plus importante par d'abord les œuvres modernes, avec tout ce fonds qui vient des collections royales. Non seulement Louis XIV, mais Louis XV a acheté le grand buste d'Alexandre monté par Gérardon. Louis XVI a continué à acheter des vases, non pas pour Versailles, mais pour le décor du futur muséum qu'il voulait installer au Louvre. Donc dès qu'il y avait des vases importants en porphyre en vente à Paris au 18e, il les a achetés. Éventuellement, on envoyait des gens à Rome aussi pour faire les achats. Comme rabatteur, en tout cas, à l'époque de Louis XIV, c'est bien documenté. Il y a un abbé, l'abbé Benedetti, qui achète toutes sortes de choses pour Mazarin, puis pour Louis XIV, et qui fait des petits dessins de choses qui sont sur le marché à ce moment-là. Et enfin, on a eu la chance, on peut dire, que Napoléon est à renflouer les caisses de son beau-frère, le prince Borghese, donc, puisque Pauline Bonaparte avait épousé le prince Borghese, et lui a acheté presque toute sa collection d'antiques. Oui, alors justement, vous pouvez raconter dans le détail, il y a beaucoup d'objets donc, qui viennent de cette collection Borghese. Dans quelles circonstances est-ce que Napoléon achète ces objets? Il achète... C'est d'abord, il n'achète pas toute la collection. Non, il n'achète que la collection d'antiques, pas dans sa globalité, mais enfin dans une très grande proportion. On ne s'intéresse pas du tout à la collection de sculptures modernes, tous les chefs-d'œuvre du Bernin qui sont toujours à la Villa Borghese, ni à la collection de peintures. Et il s'agit effectivement de renflouer les finances de la famille Borghese, en particulier puisque Pauline Bonaparte, qui n'avait pas eu la chance d'épouser un roi comme la plupart des autres sœurs de Napoléon, attendait certaines compensations, au moins d'ordre financier. Ça s'est fait à plusieurs reprises, ça, dans l'histoire du musée. D'une certaine façon, on rend un petit peu service à quelqu'un en lui rachetant sa collection. C'est le Napoléon III a fait la même chose pour d'autres raisons avec le marquis de Campana, où on a acheté cette énorme collection de majoliques, de primitifs italiens et de sculptures italiennes pour tirer le marquis de Campana, qui était peut-être un peu agent double d'ailleurs pour la France, d'un mauvais pas, puisqu'il avait quand même escroqué régulièrement le Mont-Piété dont il avait la gestion à Rome. Alors, on peut voir une gravure de la salle égyptienne des Borghese que vous avez à peu près reconstituée. En fait, c'est d'un luxe inouï. Quand Marc-Antonio Borghese décide de redécorer et restructurer l'intérieur de la villa à la fin du 18e, un des points d'orgue de cette installation, c'est cette fameuse salle égyptienne, donc avec tout un décor peint en faux granit, faux porphyre, enfin imitant tous ces matériaux utilisés dans l'Antiquité, et avec des fresques qui évoquent la prospérité du Nil, où on voit Anubis, enfin toutes les divinités égyptiennes, suivant l'idée qu'on s'en faisait à Rome au 18e. Et dans cette pièce étaient rassemblées des œuvres œuvres de style égyptien, même commandées à des sculpteurs contemporains, et aussi des œuvres romaines dans des matériaux de couleurs donc originaires d'Égypte, dont cet ensemble en porphyre constituait le centre. Et il y a entre autres une sculpture de 2,20 m de haut. Voilà, il y a cette grande statue impériale donc, qui représente sûrement une impératrice, qui était installée sur une niche avec un fond de marbre noir, encadrée de colonnes en porphyre, et devant une de ces grandes baignoires thermales qui était présentée, elle, sur des crocodiles en bronze qui avaient été fondus par Valadier, qui donnait cette touche à l'égyptienne. Oui, c'est ça. Et alors pourquoi on les a supprimés, ces pieds en crocodile ? Oh ben, je pense que au moment de leur arrivée au muséum, on a trouvé que c'était pas en France assez archéologique et on les a fondus, on les a remplacés par des pattes de lion qui sont beaucoup plus sages. En tout cas, c'est une exposition très impressionnante, il y a des sculptures monumentales et on est par exemple accueilli par deux prisonniers d'As de 2,50 m de haut, il faut les voir, c'est très impressionnant. La Dacie, c'est la Roumanie antique. Et alors là, le porphyre, ça n'a pas une symbolique impériale là, pour le coup. Il semble que non, puisque de ces effigies de prisonniers, en fait, il faut préciser qu'ils sont antiques, mais il n'y a que le corps, les parties de vêtements qui sont en porphyre. Les bras et la tête étaient rapportés en marbre blanc. Donc déjà, ce n'est pas la sculpture entièrement en porphyre. Et le rôle que prend le porphyre d'évoquer la couleur dans ce type de sculpture était aussi rempli par d'autres matériaux, puisque des prisonniers comme ça, on en connaît aussi en marbre jaune, en brèche verte, en brèche blanche et violette. Donc c'est simplement pour évoquer à la fois le luxe du forum, des travaux impériaux sur le forum ici, puisque c'est des œuvres qui viennent du forum de Trajan. Pour célébrer la victoire de Trajan. Voilà, sur les Daces. Ouais. Et en même temps, évoquer l'espèce de bigarrure des costumes des barbares. Oui, qui étaient habillés n'importe comment, considérait-on, probablement. Alors, c'est l'histoire justement des têtes et des bras qu'on rajoute avant, après. Dans votre catalogue, vous parlez de spécialistes de la tête rapportée, c'est assez étonnant. Oui, puisque quand il a fallu restaurer ces antiques qui nous sont arrivés, évidemment, en ayant perdu leur partie d'origine, il n'y a pas une seule de ces statues antiques en porphyre, dans celles qui sont présentées au Louvre, qui ait sa tête ou ses bras d'origine. On a adapté quelquefois des têtes antiques, c'est le cas de l'impératrice Borghèse ou de l'un des Daces, où on a fabriqué des têtes tout à fait nouvelles, c'est le cas de la tête faite pour l'autre Dace par Pietro Bernini, donc le père du Bernin, ou de la Minerve Mazarin qui a reçu une tête et des bras en bronze à Rome au XVIIe siècle. C'est ça. Alors c'est pas toujours très heureux, ça dépend. c'est d'une pertinence relative, mais le fait qu'on emploie en plus quelquefois des têtes antiques brouille encore la chose, puisqu'on n'est jamais sûr même que la tête n'est pas à l'origine été associée au corps en porphyre. Alors on l'a dit, vous avez réuni des objets rares, souvent uniques. On se pose toujours les questions des provenances, des attributions. Et vous me disiez qu'à l'origine de l'exposition, il y a un objet, un buste de Don Juan José d'Autriche. Alors pourquoi est-ce que ce buste a été le point de départ de l'exposition? Et puis d'abord, qui est Don Juan José d'Autriche? Alors, ce buste vient de la collection Chauchard, qui était un amateur surtout de sculptures décoratives, qui avait beaucoup de petits bronzes. C'est un collectionneur de la fin du 19e siècle, et beaucoup de sculptures décoratives, beaucoup de copies, beaucoup de choses de qualité assez moyenne, voire pire que ça. Et donc, parmi ces objets, il y a quand même quelques sculptures anciennes. Mais il se trouve que ce buste, avec ce mélange de couleurs et de matériaux, de brèche verte, de bronze doré et de porphyre, était considéré comme une chose de Napoléon III, qui était bien pour décorer un vestibule de musée, et représentait Louis XIV. On l'a envoyé à Rouen pour ça. Et en fait, quand l'œuvre est revenue... Donc on pensait, quand il était présenté à Rouen, il était présenté comme Louis XIV. Oui, enfin, il n'était même plus présenté, il était en réserve depuis la guerre, puisqu'il avait été abîmé en plus pendant le bombardement. Donc le musée de Rouen avait demandé qu'il revienne au Louvre, et c'est en travaillant sur cet objet que je me suis rendu compte que ça représentait un bâtard de Philippe IV d'Espagne, donc Don Juan José d'Autriche, qui avait eu l'idée tout à fait unique, et c'est pour ça qu'on n'avait pas compris l'objet au départ, de se faire représenter en porphyre comme un César de l'Antiquité, puisque justement il voulait accéder à ce trône qu'occupait son demi-frère Charles II et que sa naissance lui refusait puisque c'était un enfant illégitime. Mais c'est pas anodin justement qu'un bâtard éprouve le besoin de se faire portraiturer en porphyre. D'autant plus que c'est pratiquement unique, on n'a pas d'autres portraits contemporains qui imitent exactement un buste d'Auguste ou de Tibère dans ces matériaux composites qu'on fabriquait à Rome au XVIIe siècle. Parce qu'au fond, les gens qui se sont fait représenter en porphyre, ce sont essentiellement les Médicis, et puis... Dans les époques récentes. Il y a cette série de médaillons des Médicis qui se prolonge ensuite par des portraits en ronde bosse, en buste des Médicis jusqu'au milieu du XVIIe. C'est une façon d'asseoir un petit peu son pouvoir. Ah oui, bien sûr. Ouais. En plus, ça commence avec Côme qui espérait faire de la Toscane un royaume, mais il a obtenu que le fait de pouvoir en faire un grand duché au lieu d'un simple duché. Et c'est le moment où les Médicis casent leur progéniture auprès des grandes familles européennes, que ce soit les Valois, les Bourbons, les Habsbourg, etc. Donc ça correspond vraiment à ce désir de reconnaissance dynastique en Europe. Merci Philippe Malgouir. À tous ceux qui nous ont écoutés, je recommande donc chaudement, évidemment, la visite de l'exposition Porphyre au Louvre jusqu'au 16 février prochain. Il existe évidemment un catalogue très détaillé que vous avez signé, Porphyre, la pierre pourpre, des Ptolémées au Bonaparte, édité par la Réunion des musées nationaux. Et puis je voudrais signaler...